真美，哥们啥美真美，你说吧。Je vais construire une jolie maison, je lui donnerai ton nom, je pars, toujours je pars, je suis déjà parti. C'est par ici que je finirai ma vie, à l'ombre de tes nuits, près de notre lieu de vie. Je pars, toujours, je pars.